Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne en direct. Et comme annoncé vendredi, on va parler ce soir du mouvement de la paix avec Pierre-Olivier Poyard qui a un léger contretemps. Il arrivera dans quelques instants, j'en suis certaine. Mais avant toute chose, j'en profite pour vous dire, et je le rappellerai courant de la semaine, que nous faisons notre journée portes ouvertes ce samedi 6 octobre et vous êtes bien entendu les bienvenus pour venir passer dès 10h dans nos locaux. D'ailleurs, je vous fais déjà le programme, mais il y a un jingle qui passera dans la journée. Donc, il y aura dans l'ordre Cyril Renaud qui fera son émission habituelle. Puis à 13h30, le député Nejlen viendra s'exprimer auprès de nous. À 14h, Dominique et Michel Urquia nous feront une lecture. Puis messieurs Demange et Ballant, maire de Saint-Étienne, Les Remiremont et de Saint-Nabor, viendront discuter avec nous. Puis à 16h, Gilou recevra le duo Anaïs et Fabien. Ce sera de la musique, bien entendu. Et à 17h, ce sera Mika qui fera intervenir Calou et Jacques Simard. Jacques Simard, dont le nouvel album sort en ce moment. Et enfin, la playlist, une nouveauté musicale à laquelle j'ai envie de m'essayer, clôturera la soirée dans une très très bonne ambiance, je l'espère. Alors venez dans nos locaux le samedi 8 octobre dès 10h, au 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-les-Remiremont. Si vous voulez plus d'informations, je peux vous donner rendez-vous au téléphone, hein, si vous voulez. Alors sur notre page Facebook Radio Gamozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40. Mais en attendant, on va peut-être s'écouter un premier morceau, un morceau d'un groupe qu'on a l'habitude d'écouter régulièrement maintenant, un groupe qui est en ce moment scindé à cause de la liberté d'expression qui est complètement ligotée, bâillonnée en Turquie. Il s'agit du groupe Yorum et de leur morceau Save Bella, en espérant que je le prononce bien. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. İşte bir sabah uyandığımda Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında Partizan, beni de götür. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Beni de götür. Dağlarınıza dayanamam tutsaklığa. Beni de götür. Dağlarınıza dayanamam tutsaklığa. Eğer ölürsem ben partizanca. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao sen gömmelisin ellerimle beni ellerimle toprağıma sen gömmelisin ellerimle beni ellerimle toprağıma güneş doğacak açacak già ci c'è. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao gelin geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek gelin geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek gelin geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous avez écouté à l'instant Bella Ciao, en fait, une chanson de résistance hein, récemment rendue populaire à nouveau par la série La Casa del Papel. Un chant pour la paix, un chant pour la libération, un chant pour la résistance. Mais que, comme je le disais, nous sommes toujours à parler de la paix, ou c'est ce dont on va parler ce soir. Et comme mon invité tarde un peu, mais ne devrait pas tarder, j'en suis certaine, on va s'écouter un autre morceau pour lui donner une chance d'arriver avant la fin. C'est le morceau Give Peace a Chance de The Plastic Ono Band qu'on s'écoute et on se retrouve juste après. 2, 1, 2, 3, 4. Thank you. vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Give Peace a Chance du groupe The Plastic Ono Band. Et on est ce soir avec Pierre-Olivier Poyard du Mouvement de la Paix des Vosges qui est enfin arrivé. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai que autant prévenir les auditeurs si t'as une petite voix bizarre contrairement à d'habitude, t'es très enrhumé aujourd'hui je crois. Oui, c'est une sinusite et rhinopharyngite. Ah oui, donc ça doit pas être agréable pour ce début d'automne, mais on se démonte pas, on continue de parler des sujets qui nous tiennent à cœur, et en particulier de la paix dans le monde. D'ailleurs, comment va la paix en ce moment ? Ça va, on a organisé partout en France avec le collectif En Marche pour la Paix, 150 organisations, des rassemblements pacifistes. C'était le 22 septembre dernier. Oui, je dois d'ailleurs rappeler aux auditeurs que la journée internationale de la paix a eu lieu le 21 septembre. Voilà, oui. Donc c'est pas une date que vous avez choisie au hasard. Non, c'est une date internationale qui est soutenue par l'Organisation des Nations Unies, qui est chargée de favoriser les règlements pacifiques des conflits entre les différents pays. Et donc, comment s'est passée cette journée ? On a organisé plusieurs choses dans la région. Le samedi matin, il y avait un point à Nancy, place Maginot, et le dimanche matin on avait un rassemblement à Épinal, voilà, où on a eu la participation donc du Mouvement de la Paix, du Parti communiste, de Vosges Alternative au nucléaire, et puis de plein d'autres personnes de différentes organisations. Et donc, on était assez satisfaits de cette journée. Et puis, en parallèle, tout le week-end, donc du 22 et du 23 septembre, on a participé au Festival de la Paix à Varangéville, qui est une ville très, très agréable au sud de la Meurthe-et-Moselle, donc qui n'est pas trop loin des Vosges non plus. Et voilà, un week-end assez chargé. On est toujours sur la pente ascendante avec le Mouvement de la Paix dans le département. On a passé les 80 adhérents. Donc, ça se passe bien, on est content de nous. Bah, je suis très contente aussi. D'ailleurs, on le rappellera, je pense, à nouveau en fin d'émission, si un auditeur a peut-être envie de devenir adhérent du Mouvement de la Paix des Vosges ou du bulletin aussi. Un bulletin, je ne sais plus à quelle fréquence il sort. C'est pas mensuel, je crois. Oui. Au début, on voulait le faire mensuel. On le fait plutôt de manière à peu près tous les 6 semaines. Donc pour cette année, oui, ça sera tous les 6 semaines. Après, on a pour projet de faire de ce bulletin une revue pacifiste et peut-être de transformer ces montagnes vosgiennes qui par le passé ont pu être des frontières, notamment entre 1870 et 1918, une frontière entre la France et l'Allemagne, et ben un pont entre les pays, les mondes, les personnes, voilà. C'est notre projet de faire une revue sur ces montagnes qui les présenterait comme un pont entre les cultures. En effet, tu l'as dit, le nombre d'adhérents augmente. C'est possible d'adhérer déjà au bulletin, je crois que c'est 10 euros par an, c'est ça ? Oui, on peut être abonné au bulletin ou être adhérent de l'association, suivant sa volonté et sa disponibilité aussi. Et c'est aussi possible d'adhérer à l'association. C'est en voyant ça auprès de toi, c'est ça, qui est secrétaire du Mouvement de la Paix des Vosges ? On peut m'écrire sur mon adresse mail, pierre-olivier.poyard@wanadoo.fr. Où on peut m'envoyer un SMS ou un message, on peut m'appeler au 06 86 64 44 94. Ça sera bien entendu rappelé en fin d'émission, pardon, pour ceux qui ont loupé le coche. Et oui, comme on disait, Journée internationale de la paix, alors déjà, il y a quelque chose qui s'est fait dans les Vosges. tu sais s'il y a aussi quelque chose qui a été fait dans les grandes villes, les capitales, même en dehors de la France ? À l'étranger, non, j'ai pas beaucoup d'informations, mais c'est la Journée internationale de la paix, donc toutes les organisations pacifistes du monde organisent quelque chose ce jour-là. C'est notre point, notre moment dans l'année où on peut tous se réunir. Donc, moi, je n'ai pas d'informations sur ce qui s'est passé dans les autres pays, mais je pense qu'il y a eu certainement des choses intéressantes qui se sont passées. Je l'espère, en ce qui me concerne, parce que je peux peut-être dire, moi j'étais très très très très loin, les auditeurs le savent, j'étais partie à Tokyo, du moins là où j'étais, il n'y avait pas spécialement de rassemblement, du moins j'ai pas vu, et puis il y avait une grosse barrière, celle de la langue, mais bon, rien n'empêche, je verrai si la prochaine fois que j'y vais, il y aura une manifestation pacifiste, enfin bref, tu sais quoi Pierre-Olivier, on va peut-être s'écouter un nouveau morceau, qu'est-ce que t'en dis ? Oui. Alors, on va s'écouter le morceau. Tu as proposé le morceau France-Afrique de Tikenja Fakoli, vu que c'est peut-être un sujet que j'ai envie d'aborder ce soir. Donc, on va s'écouter ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Et nous vend les armes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des êtres surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Babylone est très habile. Blague et tu es la vigilance et résistance. Au Kassera, Léon de Numborote, Kalibé a de nous mutilé. Au Kangola de Numborote, au Kassera, Léon de Numborote, why, why. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, why, c'est du blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, why, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Ils vont nous blague et tu es. Blague et tu es, la, ils veulent nous blague. Tout va bon, non, bah non, blague tu es. Blague tu es, la, et bien nous blague tu es. Blague tu es, il veut nous blague tu es. Oh, il se réveille, vous, il veut nous blague tu es. Ouais, se réveille et vous. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM, vous venez à l'instant d'écouter le morceau France-Afrique de Tiken Dja Fakoly. Et justement, hein, je l'avais dit, on parlerait un petit peu de la France-Afrique, mais tant que j'y pense, t'as dit, il y a un événement aussi qui arrive de façon assez imminente, que tu peux annoncer maintenant et qu'on rappellera aussi à nouveau en fin d'émission. En fait, c'est un rassemblement Place des Vosges, vendredi. Vendredi, on sera le 6, c'est ça hein. Je crois, ou le 5. Donc, c'est vendredi. Oui, le 5. Et donc, Place des Vosges, à 18h. Et donc, c'est une manifestation pour demander qu'on arrête d'épandre des milliers de tonnes de pesticides. D'ailleurs, ce rassemblement s'appelle « Nous voulons des coquelicots ». J'imagine que les coquelicots, si je ne m'abuse, sont un indicateur sur l'état de la faune et de la flore locale. Bah, les coquelicots, ce sont des plantes qui sont détruites quand on pulvérise des pesticides. C'est pour ça que les champs qui ont des coquelicots, c'est révélateur d'une non-utilisation de pesticides. Et donc tu as dit ce rendez-vous c'est vendredi 5 octobre sur la place des Vosges à Épinal, j'imagine. À quelle heure ? À 18h. À 18h. Bah écoute, c'est noté et on le rappellera en fin d'émission bien entendu. On a beaucoup de choses à rappeler en fin d'émission. Mais c'est ça, hein, y a toujours plein d'informations à faire transiter. Et c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois que tu étais venu, je sais plus à quand ça remonte. Fin août, je crois le 27, quelque chose comme ça, ou le 28. Et c'est vrai que tu avais dit, la France-Afrique, c'est un gros dossier, un gros sujet qui méritait peut-être son émission à elle, sur laquelle tu as beaucoup d'informations, sur laquelle tu sais beaucoup de choses. Alors, envie de te dire, Pierre-Olivier, raconte-moi la France-Afrique. Ben, modestement, disons. Ce que je pourrais dire, c'est que une personne qui s'est beaucoup intéressée à la question que j'ai rencontrée ces dernières années, c'est le rappeur marseillais qui était venu travailler avec moi à Mirecourt. Duval MC. Ouais, Duval MC. Ah bah, on lui passe le bonjour. Oui. Et donc je vous incite à écouter. Donc c'est quelqu'un qui dans ses deux premiers albums a beaucoup travaillé sur ces questions. Donc la France-Afrique, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui pour désigner le colonialisme français en Afrique. Donc c'est un terme qui a été utilisé ou dans les premiers qui l'ont utilisé c'est Verschave qui l'a utilisé qui avec son bouquin Noir Silence. Donc c'est un écrivain qui a expliqué dans ses bouquins, je crois qu'il y en a un aussi qui s'appelle La France-Afrique. Donc les liens mafieux qui pouvaient exister entre certains gouvernements africains des entreprises multinationales françaises et le gouvernement français. Et tout ça a bien été mis au jour lors de l'affaire Elf. Parce que certaines entreprises multinationales françaises en Afrique ont un pouvoir considérable. Donc il y a Total Fina Elf au Gabon, par exemple. Total Fina Elf au Gabon, c'est un État dans l'État. Et, ou alors c'est l'État lui-même. Et par exemple aussi, il y a le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré est extrêmement puissant en Afrique. Bolloré contrôle les transports de l'Afrique de l'Ouest. Les transports ferroviaires, qui sont d'ailleurs de piètre qualité. Bolloré, c'est aussi des entreprises agroalimentaires, donc qui s'approprient des terres sur lesquelles travaillaient des agriculteurs pour une agriculture vivrière. Donc, ils s'approprient ces terres par différents moyens. Et donc, les entreprises qui sont parfois des sous-traitantes de Bolloré, après, mettre en place une agro-industrie intensive. Et donc, les agriculteurs sont en quelque sorte chassés de leurs terres. la France-Afrique, c'est aussi donc une domination donc néocoloniale de l'armée française, de la présence de l'armée française dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Là, on a l'opération au Sahel, hein, qui couvre 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, plus la présence de l'armée française au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et au Gabon et dans d'autres pays des anciennes colonies françaises. Il y a aussi la domination économique avec le franc CFA, les francs CFA, si on a deux. Et donc, c'est une monnaie qui est utilisée dans une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, de pays africains, et qui est directement, dirigée par la Banque de France. Donc, voilà, la France-Afrique, c'est donc une domination très forte du gouvernement français, des entreprises françaises sur l'Afrique. Donc en fait, tu es en train de me dire que d'une certaine manière, la France colonialiste ne s'est pas vraiment arrêtée. Non, malheureusement, donc la décolonisation n'a pas vraiment eu lieu. Dans certains pays africains, il y a des leaders indépendantistes qui sont arrivés au pouvoir lors des indépendances. Systématiquement, le gouvernement français, l'armée française et des militaires français plus ou moins liés à l'armée française, plus ou moins des barbouzes, ce sont des gouvernements que les Français ont combattus. Il y en a un qui était très très connu, c'était Sékou Touré, dont m'ont parlé des étudiants guinéens, parce qu'en fait c'est la Guinée-Conakry, des étudiants guinéens que j'avais rencontrés à l'université, qui m'ont beaucoup parlé de lui, donc un leader indépendantiste, qui avait voulu mettre en place un plan de développement de la Guinée, un plan de développement économique, qui s'est tout de suite heurté aux intérêts français, donc un développement indépendant, et qui a vu l'opposition à la fois économique, pour commencer économique, et ensuite politique du gouvernement français. Et donc ça s'est passé comme ça dans beaucoup de pays africains. Alors il y a un leader africain que j'aime beaucoup, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'était un militaire, donc qui arrive au pouvoir au Burkina Faso. Donc d'ailleurs c'est son gouvernement qui a créé ce nom de Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres. Et Thomas Sankara, il est vraiment formidable. Il y a notamment un discours que je vous conseille, c'est le discours sur la dette qu'il a prononcé en 1987 au sommet des États africains. Et alors ce discours est très intéressant, j'en parle à mes élèves en classe, parce qu'à un moment donné, il dit « Qui a sauvé l'Europe, c'est l'Afrique ». Et il explique dans son discours que les colonisés africains ont eu une grande part dans la libération de la France en 1944 et 1945. L'armée du général Delatte de Tassigny, qui a débarqué en Provence en août 1944, elle est composée à 80%, on va dire les 4/5 de l'armée du général Delatte de Tassigny, ce sont des troupes coloniales. Sont des personnes qui sont issues d'Afrique. Et est-ce qu'ils étaient enrôlés de gré ou de force ? Il y a des débats historiques sur la question. Et donc c'est des gens qui ont participé très activement à la libération de la France et de l'Europe. Donc on le voit dans le film Indigène, avec un passage, la fin du film qui se passe en grande partie dans les Vosges. Et donc, ce sont ces personnes-là qui ont libéré la France. Et donc, lors de la décolonisation, le gouvernement français, souvent avec l'aide de gouvernements qui lui étaient amis, c'est ce que Duval MC appelle nos charmants amis, ont institué des régimes souvent oppressifs, et quand les régimes n'étaient pas oppressifs, comme celui par exemple de Thomas Sankara, a été assassiné le 15 octobre 1987, donc dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées, mais son assassinat. On a de gros doutes sur l'application donc, des Ivoiriens. Et derrière les Ivoiriens, il y a le gouvernement français, l'armée française. Et ça, tu me parles d'avant, mais est-ce que, enfin, on en a parlé un petit peu. Il y a la France colonialiste d'avant, mais maintenant, donc, elle continue toujours à avoir cette mainmise économique, politique, sociale aussi, je crois, militaire. Ah, militaire, oui, il y a beaucoup de bases françaises en Afrique. Et puis la présence de l'armée française, des milliers et des milliers de soldats français qui sont présents en Afrique, actuellement. Hein. D'ailleurs, on se souvient de François Hollande sur son char au Mali, hein, il en a fait un de ses principaux éléments de popularité. En 2012. Et puis, la présence militaire, j'ai dit, la présence économique avec le franc CFA, la présence des multinationales françaises, Total Finaelf, les entreprises comme Bolloré, les entreprises d'eau aussi, les entreprises du bâtiment comme Vinci, Bouygues, la téléphonie aussi, Orange, les réseaux téléphoniques africains sont souvent détenus par des entreprises françaises. Donc la domination est très très forte sur les pays africains. Et dans les entreprises françaises, quand elles vont en Afrique, elles y vont pas dans un objectif de développement. Hein. Les gens qui vous diront ça seront en quelque sorte des menteurs. Les entreprises françaises, elles vont en Afrique pour maximiser les profits. Et voilà, c'est pour ça que, comme disait René Dumont, l'Afrique est mal partie, elle est toujours pas arrivée. Parce qu'on a des entreprises étrangères qui exploitent très fortement à la fois les ressources naturelles africaines, mais aussi les secteurs économiques que j'ai cités. Voilà, on parle aussi souvent de la mine d'uranium au Niger, qui est en fait la principale raison de la campagne actuelle de l'armée française au Mali et dans les autres pays du Sahel, et notamment au Niger. Donc la mine d'uranium au Niger, c'est une bonne part de l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises. Donc c'est pour ça que l'armée française est présente au Mali et au Niger. C'est les principales raisons politiques. Donc en fait, de dire que la France colonialiste n'existe plus serait peut-être avoir une mauvaise mémoire ou une mauvaise... Je vais y arriver, une mémoire mauvaise, qui est d'ailleurs le titre de Duval MC que tu m'as donné envie d'écouter. Donc on va s'écouter maintenant et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Collective, presque addictive. On lâche la barre, on part à la dérive. Nos cerveaux que des menteurs lessivent. On mal à l'honneur quand le souvenir arrive. Il faut bien vivre, mais l'autre rive crève. Au lieu d'ouvrir le dossier, on nous sert des brèves. La vie de tête à claque gavée par les grèves. De l'info pour faire diversion sans trêve. Mais le navire a des trous dans la cale. Des brèches sévères où le colon empale. Sur ses crimes on déploie des rideaux. Mais gare car le bateau se remplit d'eau. D'une tactique à l'autre, le mental dénie cette immonde trace des textes. Mais tout ça s'éclaircit toujours quand l'âme lâche ce qui la brûle. Mémoire mauvaise, le temps passe. Mémoire mauvaise, signe ton score. Choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret. Puis ton scandale avoue tes méfaits. Le bateau coule, il a la coque fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, dis tes méfaits ou mets ton dernier coup de fouet. C'est les premiers pas en terres indigènes. Des catholiques et des protestants viennent paver des bonnes intentions du début. Ils disaient apporter la parole de Jésus. Jusqu'à l'heure de l'ère industrielle, des besoins illimités de la métropole. Plus question de convertir les âmes. On se mit à dire qu'ils n'étaient pas des hommes. Et ce fut chaîne et coup de fouet, travaux forcés, la mise à mort menaçant l'ouvrier. Commerce d'esclaves et caution morale. On admit l'horreur comme tout à fait normal. Darwin, Gobineau mettant la science à leur sauce. Le racisme était une théorie en place. La bourgeoisie d'Europe allait prospérer. C'est loin d'être fini, que faut-il espérer? Mémoire mauvaise, le temps passe. Mémoire mauvaise, signe ton score. Choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret. Pète ton scrande à la voûte de mes faits. Le bateau coule, il a la coque fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, dicte tes méfaits ou mais ton dernier coup de fouet. Au nom de l'évangile on a mutilé. Sait-on vraiment ce qui a pu se passer? Le pourquoi du comment des atrocités? Peut-on vivre longtemps dans la négation? Pourquoi parler de civilisation? Expliquer ce qu'étaient les travaux forcés. Tous les membres coupés, les filles violées. La chicotée, les camps de concentration. Les vols et les plans d'extermination. Pourquoi vouloir ainsi tenter d'oublier les récits de traitants, bateaux négriers? On nous dit que ces crimes sont révolus. Pourtant l'exploitation ne s'arrête plus. Les grandes firmes pour produire en secret se servent de la misère qu'elles même ne créent jamais. Nous ne pourrons le réaliser, ni même envisager de cicatriser. Tant que les mensonges du présent seront irrémédiablement enfouis dans notre mémoire mauvaise, le temps passe. Mémoire mauvaise, signe ton score. Choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret. Pète ton scrande à la voûte de mes faits. Le bateau coule, il a la coque fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, dicte tes méfaits ou mais ton dernier coup. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous avez écouté à l'instant le morceau Mémoire mauvaise de Duval MC. Ah bah tiens, ça y est, je suis arrivée à le dire du premier coup. Et on est toujours avec Pierre-Olivier Poyard du Mouvement de la Paix des Vosges pour parler de la situation de la paix comme d'habitude. Mais c'est vrai que le sujet de l'émission de ce soir qui me tenait un petit peu à cœur, c'est la France-Afrique. Et tu as dit, tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, la chanson de Duval MC est très référencée, tu l'as dit. Et ça t'a déjà lancé sur une autre référence que tu connais, un reportage que tu as vu sur Arte, c'est ça? Oui, donc c'est un reportage qui a été diffusé sur Arte. Donc c'est un reportage en trois parties qui s'appelle « Les routes de l'esclavage ». Donc la première partie la traite qu'il y a pu y avoir à travers le Sahara pendant un millier d'années. Donc c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et puis les deuxième et troisième parties traitent du développement de la traite négrière par les Européens. Donc tout a commencé avec les Portugais au XIIIe et XIVe siècle, qui ont en fait, je lisais ça d'ailleurs dans un article dans le journal, dans l'Humanité récemment, en fait les Portugais quelque part, notamment à Madère, ont inventé le capitalisme. Ils ont inventé l'idée de déporter des populations d'Afrique noire pour les faire travailler dans des fabriques de sucre, donc dans des plantations de canne à sucre et après dans des ateliers pour faire sécher le résidu de la canne à sucre pour obtenir le sucre. Et donc ils ont mis en place une méthode de traite de manière industrielle avec la complicité souvent de, d'Africains des côtes, hein. Ça c'est vrai aussi. Et la traite négrière, c'est ce que dit ce reportage, la traite négrière a eu un poids très très important dans le développement du capitalisme occidental. Et ce documentaire nous dit que les conséquences économiques en termes de développement économique sont incalculées à l'heure d'aujourd'hui. Aucun historien et aucun économiste n'a réussi à calculer les conséquences économiques, mais elles sont énormes. Et parce que la traite négrière, c'était plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont été concernées sur à peu près du 16e au 19e siècle. Et ces personnes qui ont été donc envoyées dans les colonies américaines ont été à la source d'un profit énorme pour les banques et les sociétés d'Europe. Et ce que montre ce documentaire, c'est que déjà, la traite négrière a permis de développer le commencement de l'industrie en Europe, notamment en France, près des ports négriers, donc de Nantes, de Bordeaux. Par exemple, à Nantes, pour pouvoir acheter des esclaves en Afrique, ils ont dû, les négriers ont dû développer des manufactures, notamment des manufactures de verroterie et d'objets en verre. Et ça, ils l'ont développé dans l'intérieur des terres jusqu'à Angers pour Nantes, donc sur une distance assez grande. Et ça a été pareil pour Bordeaux ou pour Le Havre. Et donc, ça a été un élément très très important du développement du capitalisme occidental. Quand on explique, c'est un peu ce que disait aussi Thomas Sankara dans son discours sur la dette, quand on explique aux pays africains qu'ils ont une dette envers l'Europe, parce que c'est ce qu'on leur explique, hein, parce que la dette des pays africains, elle est en premier lieu envers l'Europe et les institutions financières internationales, comme le FMI. Hein. Le FMI est indépendant de l'ONU, c'est quelque chose de totalement différent. J'aime pas qu'on mélange les deux. Donc le FMI, c'est contrôlé par les Américains, c'est antidémocratique, bref. Et donc les pays africains qui ont des dettes envers le FMI, envers les pays européens, c'est vraiment ridicule. Thomas Sankara, dans ce discours, il parle déjà de la dette de sang de ces Africains qui ont libéré l'Europe, et puis ensuite de cette immense dette qui est le produit du trafic de l'esclavage, qui a été une spoliation énorme, et qui a permis aux Européens de pouvoir développer leur industrie. Parce que, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que, par exemple, ils ont cette spoliation des pays non européens, elle s'est faite aussi en Amérique du Sud par les Espagnols, hein, qui ont mis en esclavage les populations d'Amérique du Sud. Mais aussi, par exemple, en Inde. Jusqu'au XVIIe siècle, l'Inde était le premier pays producteur de textiles. Oui. Et en fait, les Britanniques, quand ils sont arrivés en Inde, ils ont complètement mis à bas l'industrie textile indienne. Ils ont récupéré les technologies de production qui étaient utilisées en Inde et les ont importées en Grande-Bretagne. Donc, les colonies ont eu un rôle très très important dans le développement du capitalisme occidental. D'ailleurs, tant qu'on est à parler de colonialisme, c'est vrai qu'on va peut-être pas s'étendre très longtemps là-dessus, mais j'avais entendu dire que quelque chose comme l'appropriation culturelle, c'était aussi une forme de continuité du colonialisme, comme le fait des grandes stars qui se font des tresses africaines, genre pour les boxeurs ou des grandes marques de couture qui utilisent des motifs mayas, aztèques ou des motifs africains très en vogue en ce moment pour l'été, c'est une forme d'appropriation culturelle et toujours une continuité du colonialisme. Alors toi, vis-à-vis de ça, est-ce que tu es aussi de cet avis? Non, mais c'est très vrai. Et c'est vrai aussi, par exemple, au niveau de la pharmacologie. Les plantes qui sont entre guillemets découvertes en Amérique du Sud, par exemple, elles sont en fait volées aux populations indigènes d'Amérique du Sud, qui connaissent souvent les vertus thérapeutiques et qui n'appartiennent pas du tout aux entreprises multinationales d'Amérique du Nord ou d'Europe. Ça, c'est aussi une forme de spoliation. La spoliation, elle traverse différents champs, que ce soit la culture, la nature ou l'économie. Elle est multiface. Mais d'ailleurs, comme tu as parlé de ça, hein, j'en reviens vite fait pour faire un petit point, même si je pense pas que ça a pas de lien avec le colonialisme, mais ça me fait très légèrement penser, ou même plus que légèrement, à la situation à la situation à Vittel avec Nestlé Waters. C'est encore là, c'est plutôt spoliation économique avec une multinationale qui prend la mainmise sur les droits des personnes qui vivent là. Je ne sais pas si c'est nécessaire de refaire un point là-dessus, Pierre-Olivier. J'aimerais plutôt qu'on dérive toujours sur les questions plutôt écologiques. Oui, bien sûr. Sur la manifestation de vendredi. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Avec plaisir. Et peut-être qu'on pourra parler de ce que fait Nestlé et Nestlé Waters dans le monde une autre fois. J'ai pas trop d'informations là-dessus. Mais c'est sûr que les multinationales, par exemple comme Coca-Cola, j'avais lu dans différentes revues que Coca-Cola avait un rôle très très néfaste sur les nappes phréatiques dans différents pays sous-développés, en Inde ou en Colombie. Hein. Ça, c'est vraiment aussi une forme d'exploitation. Mais par rapport à la question de la nature, ce qu'on a dit à la manifestation du 22 septembre, c'est que aujourd'hui on est face à une crise climatique qui est mondiale, et ce que j'ai l'impression on est les seuls à dire au mouvement de la paix, c'est qu'on constate que la réponse des gouvernements occidentaux à cette crise climatique, elle est militaire. Depuis quelques années, et c'est quelque chose qui s'intensifie, notamment au niveau des pays de l'OTAN, les budgets militaires sont en train d'exploser. Le budget militaire américain devrait atteindre 715 milliards de dollars en 2019. Oui, c'est énorme. Oui, c'est 100 milliards de plus qu'en 2017. Ah oui, quand même. Oui. Et donc les budgets militaires explosent. À l'Assemblée générale de l'ONU, j'ai lu aussi dans l'Humanité que Donald Trump avait déclaré que l'armée américaine n'avait jamais été aussi puissante. En France, de la même manière, l'augmentation du budget militaire dont on a déjà parlé, donc les 10 milliards qui sont mis en plus dans les budgets militaires, donc pourrait monter à 42 milliards, soit 2% du PIB de la France, c'est quelque chose qu'on va voir arriver en 2019. Alors je vois qu'on en parle très peu dans les médias, mais en fait, il faut faire le lien. Et le lien, il se fait aussi sur la question des réfugiés, des migrants. On voit que la question des réfugiés, des migrants, c'est aussi le produit de la crise climatique. Parce qu'en 2015, le nombre de migrants qui fuyaient leur pays du fait de problèmes climatiques a dépassé celui du nombre de migrants qui fuyaient leur pays du fait des guerres. Bon, souvent les deux problèmes s'accumulent, parce que quand il y a une crise climatique, il y a des guerres. Parce que c'est comme ça que les dirigeants, on va dire les dirigeants capitalistes, règlent les problèmes sociaux par la guerre. C'est comme ça depuis la naissance du capitalisme. Et donc le nombre de migrants, de réfugiés du fait de la crise climatique a dépassé celui des réfugiés du fait des guerres. Et donc quelle est la réponse des pays européens ? C'est Frontex, qui est une organisation de l'Union européenne, mi policière, mi militaire, et donc c'est aussi la sous-traitance par les pays comme la Libye ou par le Maroc, d'une réponse militaire à la question des migrants. Et en fait, quand on fait le lien entre l'augmentation des budgets militaires et la crise climatique, eh ben il faut qu'on soit très très inquiet. Et c'est ce que nous on dit au niveau du mouvement de la paix. Et je me rends compte que j'ai bien fait de mobiliser au mouvement de la paix depuis ces derniers mois. Ça va devenir la question principale. Il est fort possible, même probable, que cette hausse des budgets militaires, elle ne soit pas là juste pour servir le complexe militaro-industriel, comme disait le président Eisenhower, mais pour préparer de prochaines guerres. Et donc, il faut que les gens soient bien conscients, quoi. Oui, il faut qu'ils soient conscients, réalistes et qu'ils se mobilisent aussi, j'imagine, pour faire entendre leur voix, pour dire en fait dans quel sens ils veulent aller. Après tout, si on élit des gouvernements, c'est aussi pour qu'ils aillent un petit peu dans le sens de la voix du peuple. Du moins, moi, c'est ce que j'en pense. C'est une considération tout à fait personnelle. Je vois l'heure qui tourne. Je ne sais pas si on a spécialement le temps de s'écouter une dernière pause musicale. Je ne sais pas ce que t'en dis, Pierre-Olivier. Bah, c'est toi qui vois. Bon, allez, tu sais quoi, on dépasse un petit peu. On va s'écouter un dernier morceau. Alors, je te laisse le choix entre le groupe NAM et The Doors. Qu'est-ce que tu préfères? Ah, bah, les Doors, alors. Allez, c'est le morceau Peace Frog qu'on s'écoute. Et on se retrouve juste après sur Radio Game Ozo. De retour sur Radio Game Ozo 107 FM, toujours dans l'émission, et même pour tout doucement la conclusion de l'heure des loups, vous avez écouté à l'instant le morceau Peace Frog des Doors, et on est toujours avec Pierre-Olivier Poyard du mouvement de la paix des Vosges. Pierre-Olivier, tu disais juste avant la pause musicale que à l'heure actuelle, les gouvernements ont une réponse plutôt militaire aux problèmes climatiques, ce qui vous n'empêche pas de vous mobiliser, les pacifistes, pour l'environnement aussi. Et c'est ce pourquoi j'invite les auditeurs à se rendre vendredi 5 octobre à 18h à la place des Vosges, c'est ça ? Oui, ça sera la place des Vosges le vendredi à 18h. À Épinal. Oui. Pour le rassemblement Nous voulons des coquelicots contre, si j'ai bien compris, l'utilisation de pesticides ou de produits nocifs pour la flore. Alors, ce que je pourrais rajouter sur les pesticides, c'est que le développement des pesticides, il s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale. Et parce que, notamment les Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont produit des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'armes chimiques. Donc, ils en ont bien sûr mis un peu n'importe où dans les mers du globe. Et d'ailleurs, en Allemagne, au nord de l'Allemagne, ils en ont mis très très près des côtes. Mais des dizaines et des dizaines de tonnes. Hein. C'est une quantité astronomique. Ah oui, quand même. Oui, oui. Et donc, ces armes chimiques, ils les ont réutilisées dans l'agriculture. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les entreprises de la chimie ont commencé à se développer, sachant que, par exemple, Bayer a été très, très actif durant la Seconde Guerre mondiale et notamment dans les camps nazis. Ensuite, les grandes entreprises américaines comme Dow Chemical, DuPont, Monsanto, c'est des entreprises qui ont aussi été très très actives durant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont développé leur activité très fortement après la Deuxième Guerre mondiale dans l'agriculture. Parce que les Américains avaient produit des armes chimiques en quantité énorme en pensant que les Allemands feraient la même chose et les utiliseraient, ce que les Allemands n'ont pas fait. Et donc les Américains, ils les ont utilisés après dans l'agriculture. Alors ils n'ont pas utilisé que dans l'agriculture, parce que bien sûr au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, ils ont complètement arrosé tout le pays, dans le Vietnam mais aussi le Cambodge et le Laos, de produits chimiques, donc de DDT, le fameux agent orange. Ils ont pulvérisé ça avec des tonnes et des tonnes d'agents chimiques, ce qui a produit des malformations horribles sur les enfants. Il y a actuellement 1 million de personnes au Vietnam qui sont toujours victimes de l'agent orange. Et en toute logique, suivant les principes de base de la justice, les Américains devraient payer. Les Américains ne veulent pas payer. Et donc, c'est pour ça qu'au moment de la paix, on soutient aussi les victimes de l'agent orange au Vietnam. Et donc, de tous les crimes qui ont été commis par les Américains dans cette région du monde. Le soutien que les Américains ont apporté, les Américains et les Britanniques, aux Khmers Rouges. Parce que les Khmers Rouges étaient un gouvernement qui était soutenu à bout de bras par les Américains et les Britanniques depuis le début et jusqu'à la fin, justement pour contrer les Vietnamiens. C'est les Vietnamiens d'ailleurs qui ont mis fin au régime des Khmers Rouges. Alors moi ça me révulse quand on explique que le régime des Khmers Rouges était un régime, qui était dans le bloc de l'Est, c'est totalement faux. C'était un régime qui était totalement inféodé aux Américains. Et donc, bref, quoi. Et c'est pour ça qu'on appelle à manifester vendredi, parce que il y a un lien très très fort et fondamental entre toute cette industrie chimique et l'industrie militaire, quoi. Outre ce que j'ai dit tout à l'heure, que je tiens à répéter, qu'il faut absolument que la population prenne conscience qu'actuellement, la réponse à la crise climatique est une réponse militaire. Et c'est un chiffre qui a été dépassé depuis, mais les 1739 milliards de dollars qui sont investis dans la guerre et dans l'armement, par les différents gouvernements, on compte pas bien sûr les dépenses privées, ces milliards-là, ils seraient beaucoup plus utiles pour résoudre la crise climatique. Parce que de l'argent pour la crise climatique, les gouvernements qui ont signé l'accord de Paris, ils ont dit qu'ils en mettraient, mais ils n'en mettent pas. Ils mettent le pognon dans la guerre. Et ça, c'est grave. En effet, c'est grave. Et d'ailleurs, tu m'as peut-être donné envie de faire, pour notre prochaine émission, peut-être un point sur les États-Unis. Ça a l'air d'être un sujet très passionnant, on va dire. Mais pour en savoir plus, pour continuer à suivre la newsletter, on va dire, du Mouvement de la Paix, ou le journal, donc n'hésitez pas à vous abonner en voyant auprès de Pierre-Olivier. Donc tu peux rappeler tes adresses mail et numéros de téléphone. Alors, donc on a mon adresse mail, pierre-olivier.poyrd@wanadoo.fr, et mon numéro de téléphone 06 86 64 44 94. Donc ça c'est pour voir pour un abonnement, pour une adhésion, où vous pouvez aussi rencontrer le Mouvement de la Paix, je disais ce vendredi à 18h à la place des Vosges. Je pense que je le rappellerai si ma petite tête de lunette ne l'oublie pas trop. Et puis après cet événement, après avoir rencontré le Mouvement de la Paix, vous pourrez nous rencontrer nous samedi 6 toute la journée dans nos locaux. Ça aussi je le rappellerai courant de la semaine, mais l'émission touche hélas déjà à sa fin. Et avant de se dire au revoir, vous avez l'habitude, c'est l'heure de la programmation. Donc à partir de 20h, on retrouvera François pour le calendrier des esclavages et des libérations. Puis on se retrouvera demain matin, 7h-8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, suivie d'une minute bonheur de Lia et de la matinale de Marion. Pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin pour le podcast de l'émission ou qui l'auront loupé, il sera bien entendu disponible sur notre site radiogemozo.eu, émission et rediffusion, rubrique L'heure des loups, ou sur notre page Facebook Radio Gemozo, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur Android, iOS ou sur Windows, enfin tous les systèmes d'exploitation fonctionnent, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouvera demain soir de bonne humeur de 18h à 19h pour mettre en avant un chanteur dont l'album est sorti très récemment. Il s'agit du chanteur Nefché, un peu électro sur les bords, je vous dis ça parce que mademoiselle adore l'électro. Mais bon, en attendant, on est toujours avec Pierre-Olivier Poyard du Mouvement de la Paix. Bah écoute, Pierre-Olivier, merci beaucoup de ta présence, merci beaucoup de tes infos, comme d'habitude c'est toujours très précieux, et j'espère avoir de tes nouvelles très bientôt à l'antenne. Bah merci à toi et merci à Radio Gemozo. Oui, et merci aussi aux auditeurs qui nous ont encore une fois écoutés. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain, même heure, sur Radio Gemozo. Bonne soirée à tous.